Donc ça fait plus d'un mois que j'ai pas touché une guitare, ni allumé un ampli. Il me reste plus que le petit synthé. C'est quoi déjà? Vous êtes au courant que le Big Ben va s'arrêter? C'est quoi le son de Big Ben? Les sons, la sonnerie, c'est quoi? Prochain coup, qu'est-ce que je fais? Non, je fais plus rien, arrêtez, conneries. Non, j'arrête les conneries. Ce qui me fait le plus chier, c'est de pas faire de VTT. Tous les quarts d'heure là. Femme du monde ou bien absent. Il avait fait une chanson Renaud. C'est Renaud qui avait fait une chanson. Femme du monde ou bien putain qui vient souvent être les mêmes. Car aucune femme sur la planète. À part peut-être Madame Thatcher. C'est l'histoire d'un mec qui fait une chanson pour l'Angleterre. Attends. Yeah. Je sais pas si on peut mettre un BPI plus. J'ai un truc à vous faire à écouter. Je l'ai bouclé. Bon, c'est toujours pareil, mais on peut faire quelque chose. Enfin, vous pouvez faire quelque chose.